Telo yoto swani, mwano kimi na kwa baboti, yo kangivi saka okei. Tango bako tunayona bato mwana, okoloba nini muve maya kinsasa. Kowela te, kowela te, baboti nzambe yanse tokoto sabuto voye. Na boinanga, oza majito bonganga, si malobi baseka. Sikse yango, zambe akababa chance tokoro kanatina. Baboti zambe yase eno tonima. Oh, na kolanda, oh, na nini baboti.